moi là, il gagne. C'est Zifu le gazon. Ciao. Jodu, de la mer. J'te ken, j'suis pas ton frère. Non, pour ça, t'es trop fraîche. Malgré ton caractère. Bonjour à toutes mes putes qui rêvent que je floppe, qui veulent ma chute. Je rappe la rue en temps et en heure, les mêmes réflexes que quand j'étais dealer. Rolex présidentiel, elle connaît le statut, donc elle s'allonge. La faiblesse de l'homme, c'est la schneck. Et celle de ma bitch, c'est un négro habile avec un ballon, un lourd. La part, j'ai mis la porte, je veux la vie du fiston à Beckham. LV 3 quarts, toujours le pétard. Non, je peux pas faire la fashion week. Nouveau train de vie, je vais chez Audi juste pour le plaisir. T'es Max Araï, même ton gourou peut pas prédire. C'est tant pis pour ceux qui veulent jouer les cons. On restera méchant, méchant. C'est char au BSB gang. On se mélange pas, on n'aime pas les gens. Non, c'est tant pis pour ceux qui veulent jouer les cons. On restera méchant, méchant. C'est char au BSB gang. On se mélange pas, on n'aime pas les gens. Les gens, les gens, les gens. J'suis dans un sale d'El bébé, l'SARS. J'recontre le papel, en vrai, y'a que ça qui m'apaise. Pour m'apaiser. Ils nous ont envie, mais en vrai, j'sais même pas s'ils auraient pu le faire. Hey, hey, hey. J'te ken, j'suis pas ton frère. J'suis pas ton poseur. Non, pour ça, t'es trop frère. Ta chérie est mignonne. Malgré ton caractère. Hey, hey. J'kiffe ce que tu sais. Réalise tous les jours, on fait des maths. Et les jaloux font que mater pour la bière, ton égo j'ai flatté. Toi t'as utilisé ton plata dans tout Paris, ça revend la coca. Bien que ça met de côté, puis je veux pas d'un négro fragile comme toi. Moi tous mes charros te l'ont coqué, damn. 50 000 E en une heure. J'connais plus mauvaise humeur. Laisse les lancer des rumeurs. Pas pour pas que je meure. J'suis dans un sale d'El bébé, laisse ça baby. J'recontre le papel, en vrai, y'a que ça qui m'apaise. Pour m'apaiser. Ils nous ont envie, mais en vrai, j'sais même pas s'ils auraient pu le faire. Hey, hey, hey. J'te ken, j'suis pas ton frère. J'suis pas ton poseur. Non, pour ça, t'es trop frère. Ta chérie est mignonne. Malgré ton caractère. Hey, hey. J'kiffe ce que tu sais faire. J'suis dans un sale bébé, laisse ça RAS. Come on.